Dans son discours prononcé le 23 septembre à la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères Lee Yong-ho, chef de la délégation de la République populaire démocratique de Corée, a indiqué « À ce moment même où l'ONU tend à un changement pour le développement continu, le monde est troublé par le terrorisme, la crise de réfugiés due au conflit armé et les points chauds se multiplient. Surtout, la péninsule coréenne est devenue le point le plus chaud qui risque de voir éclater une guerre nucléaire. Si la situation de la péninsule coréenne tombe souvent dans un état incontrôlable, c'est à cause des États-Unis qui ne renoncent pas à l'hostilité à l'égard de la République populaire démocratique de Corée et organisent souvent des exercices de guerre d'agression dans la péninsule coréenne et à ses environs. À présent, le Conseil de sécurité traite le problème de la péninsule coréenne non à partir de la justice et du droit international, mais justifie le diktat et l'arbitraire américain au nom de l'ONU. La récente résolution numéro 2270 pour la sanction contre la République populaire démocratique de Corée a tarsé de nouveau notre essai nucléaire et de fusées balistiques de menaces évidentes à la paix et à la sécurité dans le monde. Sans pouvoir rien faire au sujet du problème nucléaire, les États-Unis parlent des droits de l'homme. S'ils ne peuvent rien faire avec ce problème, ils soulèveront une autre affaire pour étouffer notre République à tout prix. Mais jamais les États-Unis ne pourront priver notre peuple du socialisme qu'il a adopté selon sa propre volonté et du régime qui est à son service. Le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée livrera une lutte dynamique pour mettre un terme définitif par sa dissuasion nucléaire puissante au danger de guerre nucléaire causé par les États-Unis, préserver la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne, en Asie et dans le monde, et réaliser la dénucléarisation du monde.